cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dhikru az-zajr 'an at-tama' ila an-nas. Hadha al-bab bab muhim. Al-mu'min il doit tout faire pour éviter hadha al-wasf az-zamim at-tama' ila an-nas. Qala rahimahullah أخبرنا محمد ابن أحمد ابن المستنير بالمصيصة قال حدثنا يوسف ابن سعيد ابن مسلم قال حدثنا خالد ابن عمرو عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Donc cet homme, ce compagnon, radiyallahu anhu, il a demandé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de lui enseigner un amal, une œuvre, une chose. Idha ana amiltuhu ahabbani Allah. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. Et كذلك pour que les gens il l'aiment. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. وازهد فيما في وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث العلماء اختلفوا في صحته وضعفه. نقرا كلام الحافظ رحمه الله ابن رجب dans جامع العلوم والحكم. Ce hadith كذلك النووي رحمه الله l'a cité dans الأربعين. Donc, min al-munasib, c'est de lire certains passages min jami'a al-ulum wal-hikam, l'explication de Ibn Rajab, rahmatullah alayhi. Qala, hada al-hadith, qu'on vient de lire, kharrajahu Ibn Majah, min riwayati Khalid Ibn Amr al-Qurashi, an Sufyan al-Thawri, an Abi Hazim, an Sahl Ibn Sa'd. C'est cette riwaya qu'on vient de lire. On vérifie quand même, Khalid Ibn Amr, Sufyan, عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه. Donc cette chaîne de transmission qu'on vient de lire, il l'a cité. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن أي النووي إلى حسن الحديث وفي ذلك نظر. Et Ibn Rajab رحمه الله il n'est pas d'accord. Et il va montrer pourquoi le hadith il est pas حسن بل il est ضعيف. قال فإن خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث. Ça c'est un جرح شديد. Et ça montre que l'imam Ahmed, rahimahullah, et d'autres, ils ont rejeté le hadith Khalid ibn Amr. Et ils ont dit son hadith, il est munkar, donc il est rejeté. وقال مر ليس بثقة على كل حال il est ضعيف. Et يروي أحاديث بواطيل. Donc il a rapporté des hadiths qui n'étaient pas sûrs. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. Donc ibn Ma'in, كذلك, il n'a pas accepté hadith, les hadiths de Khalid ibn Amr. وقال مرة كان كذابا يكذب. Et ça nous montre la parole de l'imam Ahmed et de Ibn Ma'in عليهما رحمة الله. Ça montre أن son ضعف il est pas يسير. لا بل منكر الحديث et Ibn Ma'in il l'a accusé de mentir. فهذا لا شك ça montre أن son حديث il n'est pas acceptable. قال حدث عن شعبة أحاديث موضوعة. Il a rapporté des hadiths inventés. وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث. وقال أبو حاتم متروك الحديث ضعيف. Donc tous ces أئمة من أئمة الحديث. L'imam البخاري, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Ma'in, l'imam أبو زرعة, l'imam أبو حاتم. هؤلاء من رؤوس المحدثين. Ils ont rejeté son hadith. بل ils ont dit que son hadith est منكر, il est متروك, etc. Lui-même il est متروك. قال ونسبه صالح بن محمد وابن عدي الى وضع الحديث. نعم il a été accusé d'inventer des hadiths. لا شك, il n'y a aucun doute que la chaîne de transmission qu'on vient de lire من روضة العقلاء انها لفبل. Il n'y a aucun doute. لكن بقي, est-ce qu'il y a des autres chaînes de transmission? قال وتناقض ابن حبان في امره فذكره في كتاب الثقات وذكره في كتاب الضعفاء. Et dans روضة العقلاء, vu qu'il a cité al-hadith, il a accepté. Donc Ibn Hibban, il s'est contredit. Marra, il a cité Khalid ibn Amr dans son livre Al-Thiqat, il est narrateur de confiance. Marra, il l'a cité dans un autre livre Al-Bu'afa, il est narrateur faible. وقال كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره وخرج العقيل حديثه هذا وقال ليس له أصل من حديث سفيان الثوري قال وقد تابع. Donc la première chaîne de transmission, on est tous d'accord أن فيها خالد ابن عمر القرشي est ضعيف بل il a été accusé de mentir et d'inventer des hadiths, façon hadith il est rejeté dans tous les cas. وقد تابع خالدا عليه محمد ابن كثير الصنعاني ولعله أخذه عنه ودلسه لأن المشهور به خالد هذا. Il y a un autre rapporteur qui a rapporté ce hadith autre que Khalid ibn Amr, un rapporteur qui s'appelle Mohammed ibn Kathir الصنعاني. قال أبو بكر الخطيب وتابعه أيضا أبو قتادة الحراني ومهران ابن أبي عمر الرازي فرووا عن الثوري. Donc tous ceux-là ils ont rapporté le hadith عن سفيان. Donc Khalid ibn Amr, il est ضعيف. Et les autres qu'on vient de citer, on va voir. Ils l'ont tous rapporté عن سفيان الثوري. Et سفيان الثوري, c'est un imam. Il n'y a aucun ishkal. Là, on doit voir le rapporteur avant سفيان. قال وأشهرها حديث ابن كثير. نعم محمد ابن كثير. Celui qu'on vient de voir. كذا قال وهذا يخالف قول العقيلي. إن أشهرها حديث خالد ابن عمر وهذا الصح. Et n'aam, fait qu'on a la narration qu'ils ont pris en compte, c'est celle de Khalid, et Khalid, il est ضعيف. قال ومحمد ابن كثير الصنعاني هو المصيصي ضعفه أحمد. Donc même si on se base sur la narration de Mohamed ibn Kathir, l'imam Ahmed, كذلك, il l'a rendu faible. وأبو قتادة ومهران تكلم فيهما. Donc on a quatre pour l'instant. On a Khalid ibn Amr, on a Mohamed ibn Kathir, on a Abu Qatada et on a Mihran. Ces quatre rapporteurs, ils ont rapporté le hadith an Sufyan. Et les quatre, ils sont faibles. قال لكن محمد ibn Kathir خيرون منهما. Donc, dans l'ordre, محمد ibn Kathir, il est mieux que les deux derniers. Abu Qatada et Mihran. على كل حال, ils sont tous faibles. فإنه ثقة عند كثير من الحفاظ. محمد ibn Kathir, نعم, certains imams, ils ont accepté son hadith. بل, ils l'ont cité parmi les ثقات. لكن, certains imams, ils l'ont rendu faible, comme l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. Thumma il a cité des autres paroles et nahnu faqat on voulait montrer anna ce hadith il est dhaif. Lakin on verra ensemble inshallah ta'ala anna al-matn lahu shawahid kathira. Ay beaucoup de hadith et des versets du Coran, ils vont dans ce sens. أي قوله إزهد في الدنيا يحبك الله وإزهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا سيأتي معنا وإلا فالسو حديث il est faible. لكن il y a des autres preuves qui appuient ce sens, qui montrent ce sens. Ce hadith الشيخ الألباني رحمة الله عليه il l'a حسن en se basant sur plusieurs chaînes de transmission. لكن الذي يظهر c'est qu'il est ضعيف كما قال الحافظ ابن رجب et الإمام أحمد et d'autres imams. Et à notre époque, Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, il l'a ba'af. Lakin le sens, là, chakannahu, le sens, il est authentique, et c'est ce qu'on va étudier ensemble dans ce cours, au wabillahi tawfiq. On lit quelques passages de Jami' al-Ulum wal-Hikam, l'explication de ce hadith. Qala, rahimahullah, wa qad ishtamala hada al-hadith ala wassiyatayn azimatayn. Ce hadith, donc, il renferme deux conseils que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à هذا الصحابي رضي الله عنه. إحداهما الزهد في الدنيا. S'écarter des choses éphémères de cette dunya. وأنه مقتضي لمحبة الله عز وجل. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'abd. أنه il s'écarte de fitna de dunya et fait attention. والثانية الزهد فيما في أيدي الناس. La deuxième, c'est الزهد فيما أيدي الناس. أي ne pas, et c'est ça, attama, c'est le contraire. Attama, c'est quoi? C'est espérer avoir ce que les autres ils ont. Et ça pousse à la mendicité, ça pousse à se rabaisser, ça pousse à faire des concessions. C'est ça, attama. Il pense à l'insan, ayyadam billah, qu'à l'argent. Et Rubama, il oublie ses principes, il fait des concessions sur son dîn. Les malades, que pour qu'un tel il lui donne. Ça va pousser à tendre la main à la mendicité, à se rabaisser, etc. Là, il y a le musulman, il doit préserver son dîn. Il doit faire attention à hadhihi al-fitna. Et c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime, et c'est une cause pour que les serviteurs d'Allah azza wa jal كذلك il l'aime. فلهذا قالوا انه مقتض لمحبة الناس. قال فاما الزهد في الدنيا. On commence par la première wasiya. Donc deux points importants. الزهد في الدنيا. Et le deuxième point, الزهد في ما عند الناس. قال donc le premier point, فاما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. Donc الزهد في الدنيا, c'est faire attention de ne pas suivre les tentations de ce bas monde, ces choses éphémères qui écartent du dîn, qui écartent de l'au-delà. Et tu as plusieurs versets Akhil Karim fil Qur'an qui montrent هذا. C'est pour ça qu'on a dit que le hadith, même si la chaîne de transmission elle est faible, Rabah Abdel Ulama ils l'ont hassan avec d'autres chaînes de transmission, et كذلك avec tous les adillah qu'il y a sur ce point. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. Et beaucoup d'autres ayat qu'il a cité رحمه الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala حذرنا من هذه الدنيا. C'est pour ça que قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. Beaucoup de gens ils font passer la dunya avant. Et leur objectif, c'est que dunya. Et leur espoir, ils sont basés que par rapport à ce bas monde. Alors que Allah qala wal akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà, bien sûr, c'est meilleur que ce bas monde. Et كذلك l'au-delà, ça restera. Amma hadhihi dunya, avec tous les manquements, tous les défauts, tous les méfaits, tous les maux. Mais hadha, ça reste pas, c'est quelque chose d'éphémère. Al-aqil, comme taqaddam ma'ana. Al-aqil, il ne délaisse pas une chose qui va rester pour une chose qui va disparaître. Al-aqil, son objectif, ça doit être de travailler pour cette chose qui va rester, l'au-delà. Pas pour une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, aslan, il n'aime pas, c'est qu'une épreuve pour l'ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette donnée à ceux qui l'aiment et à ceux qui n'aiment pas. En tant que mu'min, tu dois faire des efforts pour travailler, pour préparer hadhihi al-akhir. Qal azza wa jal, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Donc دار الآخرة, ça doit être le but du mu'min, ça doit être son objectif في هذه الدنيا. قال عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صحيح بعض الناس كما قال عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا, بعض الناس vu que leur objectif c'est ce bas monde, ils font des efforts que pour avoir des choses mondaines de ce bas monde. Quand ils arrivent à acquérir une chose éphémère de ce bas monde, ils sont heureux, ils ont rempli leur objectif. Alors que Allah Azza wa Jal قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. C'est qu'un instant, c'est qu'un plaisir éphémère qui passe très très vite. Et كثيراً ce plaisir ça pousse à du haram, c'est l'insan. Il fait pas attention. قال عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل, les plaisirs de ce bas monde ils sont très très peu, ça reste pas. فتصور أنت, pour éclaircir encore plus, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment où qu'on parle dans ce dars, combien de choses, combien de plaisirs, comme nourriture et autres, tu as eu. Et à partir de maintenant, réfléchis, est-ce que tu te rappelles de hada? C'est comme si c'était qu'un rêve. Ce que tu as mangé, c'est parti. Ce que tu as gagné, ça a été dépensé. Wahakada. C'est ça, dunya, ça reste pas. Amma al-akhira. Comme qala azza wa jal. Comme qala azza wa jal. Wal-akhira tu khayrun wa abqa. Enfin, beaucoup de hadith. Anna al-mu'min, ou beaucoup de ayat plutôt, anna al-mu'min, il doit faire attention à cette fitna, cette tentation, ce bas monde. Qala wal-ahadith fi dhammi dunya wa haqaratiha inda Allah kathiratun jiddan. Fi sahih muslim an Jabir anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam marra bis souq wal nas kanafayya. Famarra bi jiddin asak mayyit fatanawalahu fa akhadahu bi udhunih. النبي صلى الله عليه وسلم مرة il était au souk et il y avait plusieurs personnes في هذا السوق dans ce marché et il y avait une bête morte. النبي صلى الله عليه وسلم il a pris cette bête morte par son oreille. ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم. Qui c'est qui veut acheter cette bête morte un dirham? فقالوا, ils ont répondu, ceux qui étaient présents, ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. Ils ont dit, ولو gratuit, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire de cette bête morte? قال صلى الله عليه وسلم تحبون أنه لكم. Est-ce que vous aimeriez avoir cette bête morte? Ils ont répondu, والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك. فكيف وهو ميت؟ Ils ont dit, même s'il était vivant, ça serait une honte de posséder cette bête. لماذا؟ لأن cette bête elle avait des problèmes. فكيف cette bête elle est morte. فقال صلى الله عليه وسلم والله il a juré والله لدل للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Comme vous n'aimeriez pas avoir cette bête et cette bête pour vous elle n'a aucune valeur. فالله سبحانه وتعالى pour lui عز وجل cette dunya elle n'a aucune valeur. Et si عند الله سبحانه وتعالى ce bas monde il n'a aucune valeur, فأخي الكريم ne lui donne pas d'importance. لماذا لأن خالق هذه الدنيا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى c'est العليم c'est الخبير c'est الحكيم. Et الله سبحانه وتعالى il veut ton bien. Donc si cette dunya n'a pas de valeur, ne perds pas ton temps. Utilise cette dunya comme des provisions فقط pour l'au-delà. لا غير. قال رحمه الله وفيه أيضا عن المستورد الفهري عن autre حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. اليم سلامير. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité ce مثال pour éclaircir, pour te donner une image, la différence entre ce bas monde et l'au-delà. La différence, alors cette comparaison, la mer c'est l'au-delà. Et un tas avec ton doigt, rentre ton doigt dans la mer, dans l'océan, Thoma, regarde qu'est-ce que tu retires. Voilà, chez. Ton doigt il va rester mouillé quelques instants, il va sécher. Regarde la différence entre le bas monde et l'akhira. Le bas monde c'est ton doigt, l'akhira c'est l'océan. Si on a compris, notre objectif ça doit être هذه الآخرة. قال وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة وصححه. نعم الحديث وبعض العلماء اللون صحح. Si cette dunya elle aurait de la valeur عند الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné, indallah, si cette dunya aurait la valeur du poids de l'aile d'un moustique. Et si on réfléchit, qu'est-ce que l'aile d'un moustique, combien il va peser? Wala shay. Wala shay. Si tu prends l'aile d'un moustique et tu le poses sur une balance, wala shay. Enfin, si cette dunya aurait de la valeur, indallah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné à boire aux kuffars, ses ennemis. ولهذا celui qui réfléchit encore اكثر واكثر تامل في حال الناس ان الله سبحانه وتعالى سي الرزاق celui qui donne كيف il va donner une chose qu'il aime à ses ennemis ابدا et كيف il va retirer une chose qu'il aime à ses alliés les croyants ابدا. هذا سنمونتر ان هذه الدنيا حقيره. Cette dunya n'a pas de valeur, ne lui donne pas trop de valeur. انت اخي الكريم, là, cette dunya, on le répète, c'est une étape faqat pour préparer l'essentiel, pour préparer l'objectif. قال ومعنى الزهد في الشيء. Ça veut dire quoi الزهد في الشيء؟ أي ازهد في الدنيا يحبك الله. Ça veut dire quoi الزهد؟ قال الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. يقال شيء زهيد أي قليل حقير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم, si on revient au hadith, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ay izhad fi dunya, ay ne lui donne pas d'importance. Limadha lianna cette dunya n'a pas de valeur. Et tes efforts ça doit pas être que pour cette dunya. Limadha liannaha n'en vaut pas la peine. Hadha kalam jamil de al-Hafidh Ibn Rajab. Thumma qala, il a cité quelques athars, on peut en lire quelques-uns. Wa kharrajahu Ibn Abi Dunya min riwayat Muhammad Ibn Muhajir an Yunus Ibn Maysara qala laysa az-zahada fi ad-dunya bi tahrim al-halal wala bi idha'at al-mal. Les gens ils ont une conception, une image an az-zuhd fi ad-dunya, c'est le fait de ne rien posséder ou de rendre haram le halal. Maintenant, pardon, ils pensent que zuhd, c'est ne pas bien manger, ne pas bien boire, ne pas bien s'habiller. Ça, c'est pas min az-zuhd. Ça, c'est zuhd al-munharifin, al-dullal, min al-sufiyya wa ghayrihim. Amma al-mu'min qui connaît son dîn, il sait que le zuhd, c'est pas ça. Ils traduisent zuhd donc par l'ascétisme, ou la piété, ou autre. Muhim, le mot avon anna il est mafhoum indakum. Enfin, zuhd, c'est pas ça. C'est pas de rendre les choses halal haram. Et maintenant, comme il dit, voilà, bi idha'at al-mal, celui qui a de l'argent, enfin, il ne garde pas cet argent et il s'en débarrasse. C'est pas ça, zuhd. Qalu lakin az-zahada fi ad-dunya an takun bima fi yadillah awthaq bima fi yadik wa an yakun haluk fi al-musiba wa haluk idha lam tusab biha sawa wa an yakun madihuk wa dhammuk fi al-haqq sawa. قال فسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب. Donc الزهد c'est un acte du cœur. Les trois choses qu'il a citées, رحمه الله, ça fait partie des actes du cœur. قال لا من عمل الجوارح. ولهذا كان أبو سليمان يقول لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. ثم قال أحدها. Donc الزهد il a cité trois points. Le premier point قال أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه. Et ça, c'est darajat al-yaqi. Hey, az-zuhd, c'est quoi? C'est que tu as la certitude que ce qui est fi yadillah et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a comme rizq et ce qu'il peut te donner, tu as la certitude que c'est comme ce que tu as fi yadik. Et comme tu n'as aucun doute que quand tu as de l'argent, quand tu as de la nourriture, Anna, tu peux en profiter, fin, n'ai aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, il peut, c'est tout, il peut te donner à tout moment. C'est ça, zuhd. قال وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته. Ça, ça revient au yaqin, à la certitude. قال فإن الله ضمن أرزاق عباده وتكفل بها كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الزاهد il a une totale confiance, il a une certitude أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne. فلهذا قال الحسن إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. صحيح بعض الناس ils se reposent sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils possèdent, et ils ont des faiblesses في التوكل. Et qu'un Allah سبحانه وتعالى il ne va pas leur donner, bah, ils placent leur confiance sur ce qu'ils ont, et si ce qu'ils ont disparaît, qu'un homme ils vont plus s'en sortir. Ça c'est un ضعف. لأن الله سبحانه وتعالى il peut ouvrir les portes que tu possèdes ou pas. Et tu peux avoir beaucoup et Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve et tu ne possèdes rien. Tu peux ne rien avoir et Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre les portes et tu possèdes beaucoup. C'est ça, zuhd. Ça revient à al-mu'taqad, la croyance qui est dans le cœur. Thumma qal, rahimahullah, faman haqqaqa al-yaqin wathiqa billahi fi umurihi kulliha wa radiya bi tadbirihi lahu wa anqata'a 'an at-ta'alluq bil makhluqin raja'an wa khawfan. Le fruit de hadha al-yaqin, de هذا التوكل, أن ce mu'min, bien sûr, il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il ne va plus espérer des autres. Là, il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cet être humain, si ton cœur il s'accroche, ton espoir il s'accroche à lui, tu espères qu'il te donne, il a akhiré, alors pas mal, tu vas être très très vite déçu. Et en cet être humain, lui-même il ne possède rien, lui-même il a des faiblesses. قال ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة كذلك va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième fruit, أنه il ne va pas faire des causes haram. بعض الناس ils font du haram كأنهم ils n'ont pas le choix. Ils disent إما tout le monde fait, إما si je fais pas ça comment je vais faire. C'est un ضعف. لأن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne. Enfin, celui qui a ce yaqin, il est sûr que Allah il va lui donner et il est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste le haram, donc il va s'en écarter. Il va attendre qu'Allah lui donne. En faisant les causes, bien sûr. Les causes dans le halal. Qala, wa man kana kadhalik kana zahidan fi dunya haqiqatan. Celui qui a hadha al-wasf, ses caractéristiques, هذا الثبات، cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, هذا الزاهد حقيقة. C'est lui qui a الزهد. C'est lui qui place vraiment sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de mal s'habiller, ou le fait de jeûner comme ils font certains, s'exposer au soleil, le fait de se priver de choses halal alors que l'insan il a besoin, ça c'est pas minas zuhd. Mais ça c'est une faiblesse et c'est une mauvaise compréhension du din. Thumma qal. On passe directement au deuxième. Athani. Les trois points qui montrent le zuhd al-haqiqi. Le véritable ascétisme, أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له هذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. Alna, si il est éprouvé par la perte d'un enfant, par la perte de ses biens ou une partie de ses biens, il espérera la récompense de cette épreuve. Comme si ces choses lui restaient. Maintenant, cet argent, il aurait pu faire énormément de bien avec. Enfin, si cet argent il a disparu, il espère la récompense. Comme il espérait la récompense du profit ou de l'utilité de cet argent. Ça revient à l'yaqi. Celui qui perd une chose et il désespère, qu'il a subi une injustice, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété, ça montre une faiblesse dans la foi. قال وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الشاهد c'est la dernière partie. النبي صلى الله عليه وسلم demandait اليقين, la certitude, et cette certitude elle va t'aider à quoi أخي الكريم؟ ما تهون به عَلَيْنَا مُصَئِبِ الدُّنْيَا. Ça va t'alléger les souffrances de ce bas monde. Ça va t'alléger les épreuves. Donc les épreuves, tu ne pourras pas les repousser si Allah subhanahu wa ta'ala les a décrétées. Lakin, comment alléger cette épreuve ou cette souffrance? C'est en apprenant notre dîn. C'est en mettant en application la aqida des salaf. En essayant d'être des zuhad comme Ashara. إلى ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله دعا هذا الفصل الطيب. قال وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها كما قال علي رضي الله عنه من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. Il n'y a aucun doute أن celui qui ne s'accroche pas avec la dunya. On prend l'exemple de l'argent. Pour lui l'argent c'est un moyen فقط. C'est pas une fin en soi. C'est pas l'objectif principal. Là l'argent c'est une chose qu'on utilise pour bien sûr pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le hajj, l'umra, des sadaqat, moi, c'est un moyen. Celui qui l'utilise dans le khayr, ça sera un bien pour lui, celui qui l'utilise dans le mal, ça sera un mal pour lui. Lakin, celui qui pense qu'à ça, et ça, ce n'est plus un moyen pour lui, ça devient son objectif, sa priorité, si il est touché dans ses biens, il aura beaucoup de mal à patienter. Falihada qala Ali radiyallahu anhu, من زهد في الدنيا celui qui donne pas d'importance à cette dunya هانت عليه المصيبات s'il est touché par une épreuve ça sera beaucoup plus simple لماذا لأن cette chose n'a pas d'épreuve même la perte d'un enfant tu aimes ton enfant لكن tu sais que ce bas monde tout le monde mourra tu sais que ce bas monde c'est une fitna ربما cet enfant il serait resté vivant est-ce qu'il aurait réussi amla est-ce qu'il aurait été guidé amla. Et كذلك, cet enfant, خاصةً s'il meurt avant la puberté, il sera fichir. Si tu réfléchis comme ça, la perte de cet enfant, ça va être beaucoup plus facile à accepter et à digérer que واحد qui pense qu'à dunya. Il pense qu'à dunya. Et pourquoi on m'a repris mon enfant? Pourquoi moi, من هذا الكلام الخطير? Ça revient, vous avez remarqué, ça revient tout à ce qu'il y a dans le cœur. Si le cœur, il est solide, il est rempli de هذا اليقين, cette certitude, والعلم والإيمان, bien sûr que ce mu'min il aura beaucoup plus de facilité à traverser toutes ces épreuves. Troisième point, والثالث, أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق. Ça c'est من الزهد. Et vous allez voir pourquoi. On explique, أولا, le troisième point, أن pour ce زاهد, ceux qui le critiquent et ceux qui le complimentent, pour lui, c'est la même chose. Pourquoi? قال وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم. لماذا؟ لأنه dans ce bas monde. Si tu es complimenté ou critiqué, ça sera par rapport à ce que tu fais dans ce bas monde. Vu que cet homme ou cette femme, il ne donne pas d'importance à cette dunya, enfin, s'il est critiqué, enfin, pour lui, ça n'a pas une grande importance. Et si on le complimente, kadalik, ça n'a pas une grande importance. L'imam Al-Anahu, il connaît sa situation et il connaît ce bas monde. C'est pour ça que là, il aime à ceux qui aiment cette dunya et qui sont accrochés à cette dunya et qui pensent qu'à cette dunya. Obama, une critique sur quelque chose de taf, une critique sur sa coupe de cheveux, sur un vêtement, il le prend très très mal. L'imam Al-Anahu, il est accroché à ces choses. Amma al-mu'min al-salih al-zahid, si une critique elle vient sur un vêtement ou autre, pour lui, aslan, cette dunya n'a pas de valeur. Fahimtum? Donc ce point, il est muhim. Qala, فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. C'est pour ça que beaucoup de personnes, pour satisfaire les autres, ماذا يفعلون؟ Ils délaissent le haq pour pas être critiqués. Vu qu'ils pensent qu'à leur réputation, vu qu'ils pensent qu'à leur situation dans ce bas monde, ils ont peur d'être critiqués, d'être rabaissés, d'être rejetés. Peut-être qu'ils vont délaisser la vérité pour pas être critiqués. Peut-être qu'ils vont faire des choses fausses, des choses graves, des péchés, en espérant être complimentés. قال فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قبله. نعم, mais celui qui est à la haq, bien sûr, mais si tu es critiqué avec délit par rapport au dîn, enfin, l'insan, il doit se remettre en question, il doit se corriger, il doit se repentir, etc. Là, on parle des critiques qui sont fondées sur rien, qui sont fondées sur ce bas-monde. Fala tubali. Ne donne pas d'importance à cela. Qala, وما فيه رضا مولاه, كما قال ابن مسعود, اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله. كلام جميل. اليقين, la certitude, c'est quoi? لا ترضي الناس. C'est que tu ne fais pas d'effort pour satisfaire les gens. Et cette chose que tu fais pour satisfaire les gens, ça met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. هذا لا شك أنه c'est pas من الصراط المستقيم. والله المستعان. فكلام جميل de Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah concernant ce hadith. Izhad fima ازهد في الدنيا يحبك الله يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. La deuxième partie, on peut lire. نعم. الوصية الثانية الزهد فيما في أيدي الناس. Et c'est directement lié au chapitre de روضة العقلاء. الزهد فيما في أيدي الناس. قال وأنه موجب لمحبة الناس. قال الحسن رحمه الله. On est toujours dans جامع العلوم والحكم. قال الحسن رحمه الله لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. لا تزال كريما عند الناس. Les gens ils t'aimeront et ils te respecteront tant que tu n'essayes pas de leur prendre ce qu'ils ont. قال فإذا فعلت ذلك. Mais celui qui, c'est ça, Thomas, il pense qu'à ce que les autres, ils ont. Et Obama, la jalousie, elle rentre. Obama, il essaye de faire des choses. Ils ne te donneront plus d'importance. Ils ne te respecteront plus. Même te parler, ça deviendra très très lourd. Et ils te détesteront. Et là, on le voit, à notre époque, et les Asaf al-Shadid, Bismuddin. Au nom de la da'wa, shughluhum shaghil, c'est que l'argent. Tous les jours des dons, tous les jours des récoltes, tous les jours quelque chose. Lil'asaf, ça se passe fi al-masajid. Hatta tu trouves ba'd al-musallin, ba'd al-mu'minin, ils ont un dhiq. Ils vont au masjid pour écouter kalam Allah, pour écouter le Coran, pour faire salat. Et s'il y a des doros, c'est encore mieux, c'est une ni'ma azim. Et tu trouves ahyana dans certains masajid, Ça s'arrête à salat. Quand la salat elle est finie, il n'y a même pas encore le temps de faire l'athkar. Un wahid, il demande pour un autre, il demande pour autre chose. Hatta fi bab ad-da'wa al-an, dans certains dans certains comptes, dans les réseaux sociaux, des comptes qui sont faits que pour tasawoul. Et al-ikthar min hada, on ne dit pas que s'entraider c'est haram. Abadan, s'entraider c'est taïb. Lakin s'entraider comme il faisait al-salaf. Awalan s'entraider vi al-birr wa al-taqwa wa ta'awanu ala al-birr wa al-taqwa comme a qala azza wa jal. Et sans excès. Amma, le masjid ça devient que pour ça. Et un compte qui est à la base fait pour des doulous, pour propager l'ilm, ça devient que pour ça. Ça, n'ayez aucun doute, annahu c'est une fitna. Et ça pousse à la division, et kadhalik, ça pousse à hada, anna al-insan la yartah. Encore plus quand c'est un nouveau fiddi. Ta'ammalou antum, un nouveau matalan, il vient au masjid, et il veut apprendre, ouais, il en a assez de tounia. Il veut un peu des choses pour alléger son cœur, pour augmenter sa foi, et du matin au soir, du fajr jusqu'à la nuit, et ça parle que d'argent. هذا سبب طيب. وقال أيوب السختياني لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. Deux choses si tu veux progresser. العفة عما في أيدي الناس, fais attention à ton et de ne pas vouloir ce que les autres ils ont et tendre la main et te rabaisser. كذلك التجاوز عما يكون منهم, et كذلك si tu veux avancer, pardonner aux autres. قال رحمه الله وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم. On a traité ce sujet ولله الحمد dans une kalima il y a quelque temps, et on s'était basé sur la risala de Cheikh Mokbil rahmatullah alayhi dham al mas'ala. Cheikh Mokbil il a regroupé beaucoup de hadith fi hada, il a regroupé beaucoup de hadith, et ça a donné une risala. Al-mas'ala, ça vient du mot, on connaît tous le mot su'al, ou sa'ala, le verbe. C'est ça le mas'ala, c'est le fait de demander. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'alim, le fait de demander aux autres. Illa, inda al-haj al-mas'a ou al-zaroura, celui qui a un énorme besoin, il n'a plus d'autres possibilités. Illa yasha Allah. Fayad al-hal, si, il demande, c'est autre chose. Amma tawassu' fi hada. La moindre chose, l'insan, il tend la main, il demande aux autres. Fala yambari. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a an dhalik. Pourquoi? Qala, faman sa'ala al-nas ma bi aydihim karihuh wa abghabuh. L'insan, il a été créé comme ça. Yuhib al-mal. Wa tuhibbun al-mal. Hubban jamma. Hakada qala azza wa jal. L'être humain, il aime avoir. C'est ça l'asl vie. Et si cet être humain, on lui demande trop, tout le temps, donne-moi, prête-moi. Enfin, comme a dit l'imam, rahmatullahi ibn Rajab, karihuh wa abghaduh. Et hada, on l'a tous vécu. Les gens, ils ne sont pas appréciés, ils sont repoussés. Pourquoi les annahum? Ils demandent trop. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Qala, li'anna al-mal mahboub li'nufuz bani Adam, faman talaba minhum ma yuhibbuna, karihuh li'thalik. Ça, c'est un résumé tayyib. Vu que les êtres humains en général, ils aiment posséder, ils aiment l'argent, si tu leur demandes cette chose qu'ils aiment, tu vas devenir un danger pour eux. Anna, tu peux lui retirer cette chose, tu peux lui demander, tu peux... Enfin, في هذا الحال, cet être humain, il te détestera. Il te repoussera. قال وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم. أما celui qui ne rentre pas dans ces choses, il s'écarte de hada, tendre la main, tous ses dons, et ça fait beaucoup de problèmes, et il y a beaucoup de vols à notre époque, comme une fitna, à cause de tous ces dons, de tout. Celui qui s'écarte de hada, et il s'entraide avec ses frères, bilhaq, et pas d'excès via d'albab, et les gens ils vont s'apercevoir, annahu, c'est plus un danger pour eux. L'imam Ali Anahu, il demande à personne, il a besoin de quelque chose, il travaille, il fait les causes, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens, ils l'aimeront. قال بل ويسود به عليهم كما قال أعربي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية. بل الله سبحانه wa ta'ala, هذا العفيف, هذا كي ولله الحمد il tend pas la main. فالله سبحانه wa ta'ala il l'élèvera. كما قال أعربي لأهل البصرة, أعربي, il a dit à Ahlul Basra, man sayyidu ahli hadhihi al-qarya. Al-sayyid, c'est le chef. le chef de ce village. قالوا الحسن قال بما سادهم القرية plutôt هنا j'ai dit village mais Al-Basra bien sûr c'est une ville. Al-Qarya ça peut être un village, ça peut être une ville. Fait ils ont dit الحسن الحسن البصري c'était lui أفضلهم سيدهم السيد c'est le chef, c'est le meilleur, celui qui a le plus de ilm, celui qui est le plus respecté, la référence. Ils ont dit الحسن قال بما سادهم il a demandé pourquoi c'est الحسن, qu'est-ce qu'il a fait. قالوا احتج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. C'est comme ça qu'il a été élevé par rapport aux autres. Les gens, ils ont eu besoin de lui. Alors que lui, il ne demandait rien à personne. Pourquoi ils ont eu besoin les gens de lui? Pas parce qu'il avait de l'argent là, ils ont eu besoin de son ilm. Ils sont revenus à lui. Et ils lui ont fait confiance. Pourquoi? Parce que Al-Hassan, il n'essayait pas de demander de Abadan. Abadan, il avait هذه العفة رحمه الله فالله سبحانه وتعالى il l'a élevé. فاحذر أخي الكريم, encore plus avec tes proches. لا تكون ثقيلا. بعضهم ils ont هذا الثقل. أنهم ils demandent trop à leurs proches ou à leurs voisins ou à leurs amis. حتى ils sont repoussés et ça peut aller plus grave, plus loin encore, être détesté. قال احتج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها نعم همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نزعتك كلابها. الدنيا c'est comme une bête morte. Ce poète il a donné un exemple طيب pour finir. Cette dunya, ce ballon, c'est comme une bête morte. Autour de cette bête morte, il y a des chiens affamés. Si tu délaisses cette bête morte, ces chiens ne te feront aucun mal. Dans la rue, Ayanen, tu vois des chiens, ils ont trouvé quelque chose à manger. Si tu approches, tu peux te faire attaquer, mordre. Si tu t'écartes, alhamdoulilah, ils ne te feront rien, ils sont occupés. C'est une bête morte et des chiens, ils essaient absolument de manger de cette bête morte. Si anta tu t'écartes, tu seras fi salama, tu seras préservé. Et si tu veux manger avec eux, participer avec eux, naz'atka kilabuha. Tu vas devenir un concurrent pour ces chiens et ils te feront du mal. Hakada ad-dunya. Sans excès. Ne pas délaisser complètement dunya abadan. Le halal c'est halal, ce que tu as fait comme cause, tu as travaillé. Falhamdulillah. Lakin ihdhar que ça ne devienne pas ton objectif. L'imam Aliana, c'est l'objectif de beaucoup de monde et tu deviendras un ennemi et ils te feront beaucoup de mal. Et كذلك احذر de ne pas tendre la main. Izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. فهذا الخلاصة de ce chapitre et de ce hadith. On lit كلام Ibn Rajab le كلام Ibn Hibban اقصد. On a fini كلام Ibn Rajab, la référence donc Jami' al-Ulum wal-Hikam, l'explication des 40 Nawawi de الحافظ ابن رجب رحمه الله. أما ابن حبان إلى سيتي كلام جميل فنقرأ. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل ترك الطمع إلى الناس كافة بكمال الإياس عنهم إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده من الناس فقر حاضر فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه. هنا ابن حبان رحمه الله il encourage ses frères المؤمنين de délaisser الطمع et de toujours vouloir ce que les autres ils ont et se concurrencer fi dunya et penser qu'à cette dunya. قال بكمال الياس عنهم. الياس c'est le fait de désespérer. فكأنك انت pour toi les gens ce qu'ils ont tu désespères. كأنك ils ne te donneront jamais. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour avoir ce qu'ils ont. Là fais toi-même les efforts pour travailler, etc. Amma, tu veux ce que eux ils ont, alors que eux, Obama, ils ont travaillé pour l'avoir. فهذا لا. قال إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده من الناس فقر حاضر. نعم. فقر حاضر. Ça c'est عين الفقر. أي vouloir ce que les autres ils ont. الفقر c'est la pauvreté. لماذا لأنه ça leur appartient. قال فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه. أي نعم. Amma, si tu n'es pas sûr de l'avoir, c'est encore plus grave. قال رحمه الله وأنشد عمرو ابن محمد ابن عبد الله النسائي قال أنشدني الحسين ابن أحمد ابن عثمان قال اليأس أدبني ورفع همتي واليأس خير مؤدب للناس إني رأيت مواضع الطمع الذي يضع الشريف مواضع الأخساس. صحيح أن الطمع pense que l'argent et بعضهم هذا الطمع اللي pousse à des moyens illicites, au mensonge, à jurer alors que c'est un mensonge, à la corruption, au vol, à la traîtrise. Et c'est une cause pour être rabaissé. Je trouve ils avaient une manzila, ils étaient appréciés. Et à cause de tam, ils pensent qu'à dunya. Et les autres, ils s'aperçoivent de hada, il n'a plus de manzila, ils ne le respectent plus. Qala, وقيل والنفس تطمع هشة إذا أطمعت وتنال باليأس السلو فتشبع. نعم النفس تطمع النفس de الإنسان son نعم elle va le pousser هذا elle va le pousser à essayer d'avoir ce que un tel il possède en lui demandant etc. لكن باليأس أنت si tu أدب tu corriges ton نفس et tu lui montres que tu n'as pas besoin de ce que les autres y possèdent, c'est à eux. Si tu veux quelque chose, un tas, tu fais les efforts. C'est comme si tu comme un calfe t'es chbé, tu vas être rassasié. Ou alors si tu as peu. قال أخبرني محمد بن عثمان قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سعد ابن عمارة أنه قال لابنه يا بني أظهر اليأس فإنه غنى وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. هكذا ils ont élevé leurs enfants. Et ça c'est une tarbiya tayyiba. Ne pas habituer nos enfants à tendre la main. Ne pas habituer nos enfants à les demander à un tel abdan. Tu apprends à ton enfant dès le plus jeune âge. Al-ifa. Mais regardez ce que les autres y possèdent, c'est le faqr. Pourquoi c'est la pauvreté? Vous avez remarqué que souvent ils disent al-tam' c'est le faqr. Et espérer avoir ce que les autres ils ont, c'est le fort. Pourquoi? Il y en a les autres, ils ne te donneront pas en général. Donc cet espoir, il va te pousser à quoi? À la pauvreté. Là, si tu as besoin, fais les espoirs. Kathir min al-Anbiya, ils travaillaient. Kathir min al-Sahaba, radiyallahu anhum, ils travaillaient, ne demandaient pas aux autres. Bel al-Sahaba, radiyallahu anhum, comme j'ai vu le hadith, anna ahadahum, il faisait tomber son bâton, ou son fouet avec lequel il guidait sa bête, il ne demandait à personne. Pourtant, il y avait des gens à côté, ils pouvaient dire « Donne-moi mon bâton, donne-moi cette chose. » Il descendait lui-même et il prenait et remontait. Aïf ! L'imad al-Yanoum, ils ont compris, on a demandé toujours aux autres. C'est une cause de thiqal. Tu deviens lourd. Et si tu deviens lourd, enfin, les gens ils ne te respecteront plus. Qala Abu Hatim, rahimahullah, « Ashraful ghina, tarku al-tam' ila al-nas, id la ghina lidhi tam' وتارك الطمع يجمع به غاية الشرف فطوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعمي بصره الطمع. أي صحيح الطمع c'est une cause pour être aveuglé. Tu trouves بعض الناس tellement qu'ils ont محبة الدنيا في قلوبهم et tellement qu'ils n'ont plus هذه العزة cette fierté, ils n'ont plus هذا الورع الخوف من الله et ils sont faibles dans leur cœur. Enfin, ils sont aveugles. Ils font des choses par rapport à cette dunya qui causent leur humiliation. Et ils sont repoussés. Ils sont insultés. Ils ont perdu la raison. Ils sont aveugles. Tout ça pourquoi les annahum, ils pensent qu'à dunya. قال ومن أحب أن يكون حرا فلا يهوى ما ليس له. لأن الطمع فقر كما أن اليأس غنى ومن طمع ذل وخضع كما أن من قنع عف واستغنى. نصيحة جميلة. من أحب celui qui veut être حر libre فلا يهوى ما ليس له. Fais attention de ne pas te rabaisser, de ne pas tendre la main. لماذا لأن les gens ils te mettront des conditions, au minimum ils te rappelleront هذه المنة. Maintenant, tu n'es pas d'accord avec lui. Oh, il te dira, Lakin, n'oublie pas, moi, c'est moi qui t'ai aidé dans ça. Et en tas, tu seras rabaissé. Avamu min dhalik, celui qui veut étudier l'ilm, qui veut propager la science, et il a cette maladie dans le cœur, il se fera beaucoup de mal. Kam min annas harafu. à cause de l'mal, خاصة طلبة العلم. Pourquoi? Parce que c'est une fitna, il y en a un talib ou l'ilm qui se consacre à l'ilm en général, et il aura certains manquements. Certains manquements, il ne pourra pas, s'il se consacre au ilm, ça va lui prendre énormément de temps. فلهذا بعض السلف كانوا يقولون أن celui qui étudie le hadith, il faut qu'il se prépare à la pauvreté. لماذا؟ لأنه tu dois faire un choix. Enfin, si ce talib ilm, il ne fait pas ce choix, il ne patiente pas, il veut mélanger entre l'ilm et l'argent, ça sera une fitna pour lui. لماذا؟ لأنه si tu tends la main, tu ne pourras plus dire ce que tu veux, tu n'auras plus هذه الحرية, tu ne seras plus libre. De dire le haq, bien sûr, on dit pas ce qu'on veut, lakin al-hurriya huna, c'est le pouvoir de dire la vérité. Limada li anna wahid va te donner, comme ça arrive avec ba'd al-munharifin, il donne et il te conditionne, lakin ne parle pas de ce sujet, lakin ça serait mieux d'éviter telle chose. C'est une fitna. Azima. Fahdharu min hada. Surtout à notre époque, al-jam'iyyat al-hizbiyya. Al-jam'iyyat al-hizbiyya, avec des associations qui donne, qui aide en talabat al-ilm, mais avec des conditions. Avec des conditions, tu ne peux plus dire la vérité. Et vu qu'ils te donnent, même s'ils font certaines erreurs, même s'ils propagent certaines bid'a plutôt, tu ne pourras plus parler. Fahdhar akhil karim. Ihdhar. Celui qui a choisi ce chemin de talab al-ilm, il doit patienter. Il doit patienter. C'est min anfa'il a'mal. Mais vouloir mélanger l'ilm avec fitna al-dunya, avec hada al-tama', voilà, chaque annahu, ça fait beaucoup de mal. Et on a déjà parlé de ce sujet kathiran. Qala rahimahullah. Akhbarana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal. Qala haddathana Abdullah ibn Abi Shayba. Qala haddathana Abdullah ibn Marwan. Qala haddathana Muhammad ibn Hani al-Ta'i. Qala ba'atha Abu al-Aswad al-Dili ila jarin yaqtaridhu minh. فلم يقرضه واعتل عليه اي cet homme il a بعث ابو الاسود الى جار donc ابو الاسود il a demandé à son voisin un prêt يقرضه القرض c'est un prêt اي de lui prêter de l'argent فايل n'a pas voulu واعتل عليه اي il a cité des excuses je ne peux pas parce que telle et telle chose وكان حسن الظن به alors que ابو الاسود et il avait une bonne opinion de lui. Il pensait qu'il allait lui prêter. Faqala Abu al-Aswad. Il a récité des vers de poésie. Fala tush'iranna an-nafs ya'san fa innama ya'ishu bi jaddin 'ajizun wa jalidu wa la tatma'an fi mali jarin li qurbihi fa kullu qaribin la yunalu ba'idu wa fawwid ila Allah al-umur fa innama yaruhu bi arzaqil 'ibad judud. اي نعم الشاهد قال ولا تطمعا في مال جار لقربه فكل قريب لا ينال بعيد صحيح احيانا tu penses que un tel ولو il est proche انه quand tu as besoin il va t'aider il peut refuser pour une excuse ou sans excuse ne pas comprendre de هذا ان tu n'as pas le droit de demander un prêt là لكن place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tant que tu peux faire des efforts et ne pas demander c'est ahsan. Liana, c'est pas facile de demander une chose, tout le monde refuse. Là, chacun a l'insan, il y a khud vi nafsi. Donc, éviter tout cela tant qu'on peut, c'est afdal. Amma le tawassu qu'on a cité, les excès à notre époque, c'est une fitna. Ça, c'est pas min manhaj salaf abadan. Toutes les deux minutes, demander. On a besoin de ça pour faire ça, on a besoin de. Et à notre époque, c'est pas des sommes là, ça parle qu'en 50 000, en 100 000 ou akthar. نعم كأن خلاص للدعوة سكو سا سكو الأرجون بعضهم ربما سأن درس طولي ما أدري متى أما pour l'argent et pour les dons فصباحا ومساء سا سي با دعوة السلف أبدا on doit pas tout mélanger العلم c'est العلم et s'entraider c'est s'entraider لكن vu que notre entrée c'est في الدين et c'est pour le دين on doit suivre les سلف في هذا tu as vu un tas les savants de notre époque, tu les as vus. Dans chaque dars, ils demandent des dons. Il a akhri, abedan. Il y en a chaque chose à sa place. Et là, chacun d'entre eux s'entraidait, il faisait du khayr. Lakin, vu qu'ils suivaient, et les savants encore d'aujourd'hui, wallahi alhamd, ils suivent la voie des salafs, ils se sont écartés de hada. On doit faire attention. La nata'athar bida'wat al-ikhwan wa bida'wat al-hizbiyin. On doit faire attention de ne pas être touché par leur da'wah. On se dit salafite, thumma la méthode, c'est pas salafia, c'est manhaj al-ikhwan. Qala, rahimahullah, at-tam'u ghuddatun min qalbi al-mar' lahu tarafan. Ahaduha al-qayd fi rijlih, wal-akhar at-taba' ala lisanih. Donc, at-tam'u, c'est ghuddatun fi ou min qalbi al-mar' lahu tarafan. Deux choses. Le tam', ça va pousser à deux choses. C'est comme si tu as qaydun fi rijlik. Al qayd, c'est une chaîne. Ce qui met aux bêtes dans leur pattes pour pas qu'elles se sauvent. Qala wal akhar at-taba ala lisan. Deuxième chose, c'est sur ta langue. Une chaîne dans le pied et une autre chose dans la langue. Qala fa madamat al-uqda qa'ima la tanfak rijlah wa la yantiq lisan. فإذا أخرج الطمع من قلبهم فك القيد عن رجليه وزال الطبع عن لسانه. أي celui qui a ce tam, qui pense que dunya, qui espère avoir ce que les autres ils ont, ça va le pousser à tendre la main, etc. C'est comme s'il avait les pieds attachés et كذلك la langue. لماذا لأنه يديرا et il ira où les gens ils veulent. Il ne pourra pas les contredire. لماذا لأنهم c'est eux qui lui donnent. Même si les contredits peuvent lui retirer cette chose, thumma s'il faiblit, yadam billah, il fera beaucoup de concessions dans son din. Qala wa zala at-tab' 'an lisanihi fa sa'a ila ma yasha' wa qala ma ahab. Tout ça bien sûr en se basant sur adillat al-Qur'an wa as-sunnah. Celui où lillahi alhamd, il fait les efforts pour travailler et il essaye de rien demander aux autres. Wa lillahi alhamd, khassatan il est en bonne santé, il a la capacité, wa law al-qalil. Alhamdulillah, il a de quoi se nourrir, il a de quoi nourrir ses enfants, il a un toit. Il a un toit, falhamdulillah, il peut aller où qu'il veut et il peut dire ce qu'il veut. Et bien sûr, si c'est vidinillahi azza wa jal, il doit parler bihaq. Amma celui qui tend la main vers les autres, il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Abdan, bel même aller dans certains endroits, il ne pourra pas. Limada, il y en a un tel, il a besoin de lui, un tel, il lui a donné, mais je t'ai prêté, mais je t'ai donné, etc. قال ودواء زوال الطمع من القلب هو رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة والترك الناس. نعم هذا هو الدواء. Donc comment faire pour enlever هذا الطمع من القلب et cet amour de cette dunya dans le cœur et penser qu'à l'argent, bien sûr avec الدعاء. Bien sûr comme قال هنا, si tu connais vraiment la valeur de cette chose. Comme on a cité Kalam ibn Rajab, anna hadi dunya n'a pas de valeur عند Allah. Fa limada tous nos efforts se concentrer fi dunya, limada penser qu'à cette dunya, c'est là que de là, elle n'a pas de valeur. Lakin ya ikhwan, hada le dire c'est très facile. C'est très simple de dire hada bil lisan. Les versets sont clairs, les hadiths sont clairs qu'on a lu, Kalam ahl al-ilm il est clair. Bal wallahi alhamd, la plupart d'entre nous on sait hada. Lakin la mise en application c'est autre chose. Fa li hada, on ne doit pas se contredire, on doit faire des efforts fi hada. Cette dunya n'a pas de valeur, donc on ne doit pas lui donner plus de valeur qu'elle n'a. Abadan. Cette dunya, on le répète, on s'en sert pour l'akhira. Ça y est, fi ma athkur, des autres chapitres fi al-iffa et autres. On a déjà parlé de certains points dans les chapitres précédents sur le fait de demander, de tendre la main. On le répète, Cheikh Mokbel, rahmatullah alayhi, il a une risala tayyiba fi hada sur al-mas'ala khassa, le fait de demander aux autres, la mendicité. On a traité ce sujet dans un cours, walillahi alhamd. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Et on passe au deuxième dars, inshallah ta'ala.